Contre l'enlèvement collectif de nos citoyennes par les voyous sud-coréens, l'Institut d'amitié culturelle péruvien-coréen a lancé le 8 une déclaration, alors que le président national du Parti progressiste du peuple du Nigeria et le président de l'Association d'amitié Nigeria-Corée, membre de la commission du crédit du Parti démocrate populaire du Nigeria, respectivement un entretien les 8 et 9 courants.